Mon mec va me faire une crise cardiaque. Je me suis encore acheté un sac. C'était pas prévu, je passais par là. Je l'avais pas vu, c'est pas ma faute à moi. Il était là à me regarder. On aurait dit qu'il me suppliait. Prends-moi, prends-moi, ne me laisse pas là. Je suis si beau et pas très gros. Alors je l'ai pris sous mon aile. Je lui ai juré de lui être fidèle quand tout est bon. Tout c'est ça qui me saute à la figure. Ma raison qui se barre devant des chaussures. C'est une vraie torture, je te jure. Moi que va m'engueuler, c'est sûr. Je me suis acheté des nouvelles chaussures. Je n'étais pas venue, mon pied les a vues. Et puis surtout, elles étaient pas chères du tout. Elles semblaient dire, tu vois, j'assure. J'ai pile poil la bonne cambrure. Je voulais pas faillir, je t'assure. J'ai même tenté de fuir. Je les ai juste chaussées, comme ça tu vois, pour essayer. Je sais pas ce qu'elles font maintenant dans mon sac. Tu sais, ça qui me saute à la figure. Ma raison qui se barre devant tes chaussures. C'est une vraie torture, je te jure. Mon mec va me mettre une claque quand il va voir au fond des sacs une jolie robe à moitié prix achetée, c'est vrai, chez Monoprix. J'étais partie pour remplir le frigo quand je l'ai vu là derrière un gigot, seul au milieu des promotions, me poussant à la consommation. Tu vas refaire sauter ma taille, alors je l'ai prise avant qu'elle ne s'en aille, comme ça sans réfléchir. Tout c'est ça qui me saute à la figure, ma raison qui se barre devant des chaussures. C'est une vraie torture, je te jure. Ce soir, en remontant toutes ces choses, je me sentais quelque peu morose et pas très fière. J'imaginais l'amour de ma banquière en voulant ranger tous mes sacs. J'ai failli avoir une attaque dans l'abondance de ma penderie. J'ai compris ma dépendance, alors cette fois, c'est sûr, tout est fini. Je t'assure, mais je peux quand même garder ma carte de crédit. Tout c'est ça qui me saute à la figure, ma raison qui se barre dans des chaussures. C'est une vraie torture, je te jure.